La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Bah, c'est un livre récent, hein, 2000, ce n'est 2000, 2003 ou 2004, je crois, par un auteur français qui fait une grande école de commerce et puis qui est parti plutôt dans la création littéraire. Et qui, pour écrire ce livre, est parti 3 ans s'isoler en Corse pour écrire à temps plein. Alors, c'est une histoire assez dingue. Hein. L'Horde du Contrevent, c'est un truc de science-fiction. Hein. Alors, il y a déjà un point amusant, mais c'est écrit à l'envers. Enfin, à l'envers. Non, c'est pas à l'envers du tout. Les pages sont numérotées à l'envers. Ça commence à 500 et ça arrive à 0. Voilà. Enfin, à page 1. Et ça a du sens dans l'histoire. Alors, l'histoire. Il y a une horde. Nous, on l'apprend alors qu'ils ont tous à peu près la trentaine. Hein, une horde, c'est combien de personnes? Je crois qu'ils sont 23. Donc 23 qui marchent ensemble dans un monde. Un monde peu habité, déjà, où règnent des vents violents qui viennent de l'Est. Et la Horde est envoyée par l'Ordre. L'Ordre, il y a plein de jeux de mots, hein. L'Ordre avec un H. Alors, la Horde du Contrevent, c'est donc des gens qui ont pour mission de remonter jusqu'à la source du vent, de trouver la source du vent. À l'extrême amont, donc aller au bout de la terre. Mais le bout de la terre, c'est à la source du vent vers l'est. Voilà. Donc, alors ça, c'est vraiment le thème de base. Alors déjà, c'est étonnant, quoi. Alors c'est un monde, c'est pas un monde très moderne, hein. C'est un monde imaginaire complètement, hein, sur une planète dont on ne parle pas d'ailleurs. On n'utilise pas le mot planète parce que. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils veulent voir l'origine du vent. Hein. Donc, les hordes, là, ils en sont à la 34e horde, qui est censée remonter jusqu'à l'extrême amont. Donc, il y a des siècles d'un système où on envoie des hordes. C'est un système, d'ailleurs, qui est en train de s'essouffler. C'est-à-dire qu'il y a des. Beaucoup n'y croient plus sur le plan politique, tout ça, le monde qui les envoie n'y croit plus. La ville la plus en aval, c'est Aberlas. Alors, Alain Damasio paraît très très cultivé, donc il prend beaucoup de choses à gauche à droite, il mélange des choses, enfin, c'est assez fin, c'est vraiment très fin. Il fait beaucoup de néologismes. Et puis il manie la langue avec beaucoup d'intérêt, je trouve. Enfin, c'est vachement intéressant parce que. Donc, les 23 personnages de la Horde ont chacun un sigle. Par exemple, le scribe, c'est une parenthèse. Une parenthèse fermante, pour être précis. Le scribe qui s'appelle Sov. Enfin bon, je ne veux pas dire tous les noms. Et à chaque fois qu'on est dans sa pensée, que c'est lui qui raconte, eh bien, le paragraphe commence par la parenthèse. Donc, il y a une parenthèse, et ensuite, on sait que c'est sa pensée. Alors lui, il écrit, donc c'est pas pour ça qu'il écrit toute sa pensée non plus. C'est pas uniquement ce qui sera écrit, hein, par lui. Et d'ailleurs, pour tous les autres personnages, personne d'autre n'écrit. Mais on sait que c'est leur pensée. Et du coup, parfois, on reste 3 pages sur un, mais ça passe tout le temps de l'un à l'autre. Et pour certaines scènes, c'est passionnant parce que on voit la scène à travers deux, trois yeux différents, deux, trois paires d'yeux différents, et ça, c'est passionnant. Alors, c'est sans doute pas le premier à faire ça. Mais enfin, c'est pas si courant, bizarrement. Et c'est vraiment bien fait parce que les personnages sont si différents que la langue choisie par l'auteur est très, très différente. Un peu caricatural, même, disons. Mais bon. Alors, il y a quelques personnages à qui on donne beaucoup la parole, d'autres non. Certains personnages, on leur a peut-être on a eu leur mot que 3 ou 4 fois dans tout le roman. Donc c'est assez faible. Alors, donc la horde est formée alors qu'ils sont enfants. Il y a une sélection chez les enfants pour pouvoir appartenir à la horde. Souvent, la plupart d'entre eux, ce sont des enfants de hordiers. Un hordier, c'est quelqu'un qui a fait partie d'une horde. Donc les parents ont des enfants, ils partent, parfois, en laissant leur enfant être élevé par le système, l'ordre, qui les forme. Voilà. Mais parfois, ils partent tôt, hein. Ils sont adolescents, ils partent. Donc, ils n'ont pas encore d'enfants, ils ont des enfants sur le chemin, et ensuite, d'une certaine manière, ils sont rapatriés en amont, à Aberlas. Un ou deux personnages, d'ailleurs, n'est pas originaire de l'extrême aval. Rapatrié en aval, je voulais dire. Certains personnages, ils ne sont pas nombreux, on rejoint la horde un peu plus tard. Dont le troubadour Caracol. Alors les noms sont choisis avec, par exemple, la spécialiste du vent, une aéro-maîtresse, donc un maître du vent, donc aéro-maîtresse. Alors, elle s'appelle Coriolis. Ben, c'est en le disant là que je réalise que c'est la référence à la force de Coriolis qui est effectivement entraîne les vents. Ce qui en fait annonce beaucoup dans l'œuvre. Ce qui en fait est une façon d'annoncer la fin. Bon. Alors il doit y avoir une raison, mais je sais pas. Sauf Strochnis, c'est le scribe, alors il doit y avoir une raison. Golgoth. Alors je connais pas le Golgotha, enfin tout ça, bon l'origine, mais enfin bon, j'ai quand même lu Goldorak comme tout le monde. Et donc le Golgoth, c'est le gros costaud. C'est le traceur, c'est pas vraiment c'est quasiment le chef. Il a pas, disons, l'autorité symbolique, mais il a l'autorité réelle. Voilà. Il y a un prince aussi qui s'appelle Pietro. On sent un prince italien de la Renaissance, quoi, on sent. Hein, et c'est lui le chef, je dirais, symbolique. Voilà. Donc, ils ont des noms quand même, c'est assez bien trouvé, quoi. Le gros bourrin qui tire un traîneau, il y en a qui s'appelle Barbac. Ah non, Coriolis, c'est... Non, c'est pas l'aéromaîtresse, c'est une des filles qui tire un traîneau. Donc, c'est Orochi, l'aéromaîtresse, en japonais. Alors, bah, d'ailleurs, sa mère, enfin, le nom de famille de sa mère, c'est Matsukaze. Hein, c'est cohérent. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bon, donc, ils sont formés pour remonter au vent. Et les vents sont très violents. Alors, parfois, ils sont juste durs à... C'est des vents, on sent que c'est des vents au minimum à 60-70 km/h, hein, au minimum. C'est une planète très ventée. Mais il y a plein de niveaux de vent. Et le plus puissant, c'est le furvent. Un vent furieux, si on veut. Alors, c'est lequel le furvent? Ça doit être la sixième forme de vent. Et dans les mythes, on dit qu'il y en a 9. Tout ça, mais en gros il y a plein de vents différents et ils ne varient pas que par leur force, hein. Alors c'est un peu le côté chiant, faut bien reconnaître, du livre, parce qu'ils s'amusent à décrire les vents, enfin ils jouent avec les mots, mais on s'en fout un peu, ça met bien dans l'ambiance, mais enfin bon, parfois il fait des néologismes, donc il nous décrit des concepts pas de façon à être vraiment hyper rationnel, mais comme si on pouvait les comprendre, enfin bon c'est un peu le côté longuet, disons, il y a des petits passages comme ça, bon c'est pas méchant parce que c'est pas trop long. Voilà, un livre dans lequel bon, on rentre assez vite dedans, je trouve, parce qu'on est tout de suite dans l'ambiance. Alors, et puis il leur arrive des aventures, parce que ce qui est intéressant, c'est un monde où au nord et au sud il y a des pôles glacés, donc de toute façon on est arrêté par la glace, et donc on doit remonter vers l'est jusqu'au vent, quoi. Ça fait un peu avant c'était le soleil, bon là c'est le vent, quoi. Ça fait un peu. On cherchait la tanière du soleil, hein, ça c'était Raon. Alors la tanière du soleil, je pense que c'était vers l'ouest, parce que c'était le mythe occidental, hein, américain, européen. Là c'est l'inverse, c'est vers la tanière, mais la tanière du réveil, du vent. Donc, il il marche, et il rencontre des villes. Il y a quand même des gens. Alors, il y a plusieurs sortes de gens, dont les fréoles. Les fréoles, qui sont des gens qui voyagent dans des bateaux volants, qui volent grâce au vent. Donc, c'est eux qui ont la plus grande technologie. Alors, en fait, ce qui est fou, c'est que donc la horde, elle doit remonter alors qu'ils pourraient faire autrement le voyage. Un peu absurde. C'est vrai. Mais, c'est aussi une quête spirituelle, en fait. C'est-à-dire qu'on pense que de toute façon, il faut faire ce chemin-là. C'est le chemin qui compte, quoi. Que sans ce chemin-là, on peut pas aller au bout. Parce qu'il y a un passage très difficile où de toute façon, les bateaux passent pas. Norska. Norska. Qui est à la fois une montagne qu'il faut monter face au vent et dans la glace. Enfin, un truc très dur. Et puis aussi parce que si on n'éprouve pas toutes les difficultés de l'homme face au vent, on comprendra pas ce qui nous arrive à la fin. Enfin, c'est un peu, là, c'est un peu spirituel. C'est que, on peut pas, il faut pas se rendre la vie trop facile de ce point de vue-là. Bon, intéressant, hein. Intéressant tout ça. Alors, il leur arrive des aventures. Bon, je vais pas faire tout en détail. Globalement, c'est assez prenant. C'est quand même long, hein, 500 pages, bon, on a le temps de... C'est un gros livre très très lourd, très désagréable à tenir, mais tant pis. Un gros pavé, quoi. Mais c'est assez vivant. Donc il arrive des aventures, on sent que c'est un amoureux des mots, hein, Alain Damasio, on sent qu'il aime la psychanalyse, enfin moi j'ai ressenti ça dans le livre, parce qu'il y a des tas d'analogies, hein, entre l'inconscient... Le vif, c'est l'âme un peu, c'est un peu l'inconscient, l'âme de chacun, qui est pour par contre un vent, c'est un vent qui nous habite. Un vent existentiel, si on veut, enfin c'est assez planant quand même. Et effectivement, d'ailleurs, j'ai pu voir qu'Alain Damasio s'y connaît en psychanalyse, je ne sais plus à quelle occasion, mais il faisait des références à ça, donc c'est dans sa culture. Culture sociologique, il aime beaucoup en fait, il aime bien les livres de science-fiction politique en fait. Là, il n'y a pas trop de politique. Hein. C'est pas du tout. Parce que c'est juste le groupe. Hein. Donc, d'ailleurs, c'est une vision un peu totalitaire que j'aime pas beaucoup. C'est-à-dire que Golgoth, qui a un gros caractère, qui aide la horde et tout, il a une dureté qui est excusée par l'auteur en permanence. Quoi. Enfin, je trouve que sur le plan éthique, c'est tellement pas tolérable que ça mériterait pas. Mais bon, ça. Donc ça montre un peu l'auteur, comment il voit la hiérarchie finalement. Un peu insupportable, mais enfin bon. Donc il leur arrive des aventures, à un moment ils doivent, pour économiser 3 ans, ils doivent traverser une sorte de mer intérieure, là, plutôt que de la contourner. Alors ils gagnent 3 ans. Et comme Golgoth est prêt à tout pour aller plus vite que la horde d'avant, la 33e, où officier son père, le 8e Golgoth, alors que lui c'est le 9e Golgoth, son père qui déteste, parce que je pense qu'il doit être à l'origine de la mort de son frère. Donc, il veut faire vite, quoi. Et puis là, l'orgueil démesuré, etc. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc chaque horde, il y a eu des écrits quand même, parce que donc ça voyage quand même. C'est ça qui est étonnant. Enfin bon, et du coup, on sait à peu près où les hordes se sont arrêtées, même s'il y a des passages inconnus, parce que parfois on n'a pas retrouvé les corps, on a retrouvé juste un vêtement. Bon, donc il y a une inconnue là, mais et finalement. Je parlais du 8e Golgoth, ça me faisait penser à quelque chose. Non, je vois plus. Bon, en tout cas, ils se sont avancés suffisamment loin pour arriver au pied de Norska, Norska, la fameuse montagne. Et là, ils ont retrouvé une petite ville où il y a leurs parents. Leurs parents qui se sont arrêtés là, en gros, 30 ans plus tôt, quoi. Alors, c'est assez terrible parce que, en gros, les 2/3 de la horde, la 33e, ils sont morts en tentant de passer Norska. Et ils ont finalement dû renoncer, ils étaient si peu nombreux à la fin, ils ont renoncé. Et ils se sont arrêtés là, dans ce village-là, pour y couler des jours paisibles. Et c'est un village très agréable, au chaud, au pied de la montagne, alors qu'à la montagne elle-même, est terrible. Très vite, terrible. Voilà. Donc eux, ils restent deux mois avec eux, mais après, ils doivent repartir, quoi. Donc certains hésitent à repartir, etc. Bon, une grande finesse, là. Mais ils repartent quand même. Et ils passent Norska. Et contrairement à la horde de leurs parents, il y en a peu qui meurent. Enfin, il y en a quelques-uns, la moitié, peut-être un tiers quand même. Donc on les voit mourir un par un, tout ça, c'est un peu dur hein, quand même. Enfin, c'est dur. Il y a des passages très émouvants, très très beaux. Ça, c'est vraiment bien. Donc, ils passent Norska, donc c'est-à-dire qu'en gros, ils doivent affronter des vents hyper violents, la septième forme de vent, etc. Mais ceux qu'on connaissait pas, le Krivets. Ils doivent le passer en montant quasiment des parois verticales glacées avec un vent de contre, enfin bon, truc de fou. Mais arrivé en haut, il y a encore un truc encore plus dur, etc., etc., etc. Et puis il y a des prémonitions de Caracol qui dit qui va rester en vie, le dernier en vie, ce sera Sov, et tous les autres seront morts. Alors c'est terrible, hein, bon, enfin bon, pas non plus, c'est pas non plus déprimant, hein, loin de là. Voilà. Après, il y a eu une autre épreuve, enfin, une espèce de volcan immense, un volcan de vent. Bon. Des ondes de choc, en fait, qui entraînent des vents violents. Voilà. Donc, ça doit être la huitième, ou je sais plus. Bon. Puis, en fait, la neuvième forme de vent, elle est spirituelle. On affronte ses pires démons, en fait. On affronte ses démons mentaux. Mais qui se matérialisent, c'est-à-dire que ça va jusqu'à. C'est du réel en même temps, c'est-à-dire qu'on les provoque, quoi. On les génère par ça. C'est peur finalement. Bon, enfin, il en reste une petite. Je sais plus. Ils sont six à la fin à arriver bah, au bout du monde, c'est-à-dire qu'ils arrivent en haut d'une grande falaise avec des nuages en dessous. Des nuages à 200 mètres sous le niveau de la falaise et rien de visible. Juste des nuages à l'infini devant, vers l'est. Alors là, c'est terrible quoi. Donc, et là, ils finissent par tous mourir sauf Sov. Un détail quand même qui est amusant, la façon dont meurt Golgoth, c'est que lui qui était une force mentale, enfin indestructible hein, quand même, et à un moment il arrive sur une crête, il voit une petite avancée de terre, une sorte de promontoire sur la falaise, assez avancée. Et donc, il s'avance et là il finit par voir un morceau de drap où il y avait écrit Golgoth 6. Donc en fait c'était la horde qui s'était perdue. Et en fait maintenant il apprend qu'en fait c'est pas les premiers à arriver au bout. Alors ça c'est pas rien quoi, c'est pas rien du tout. C'est pas le premier à arriver au bout. Alors ça lui file une telle déprime que finalement ensuite il va marcher vers le vide se suicider. Alors il y a un truc intéressant à propos de Golgoth et à propos de tout le roman, parce qu'il n'y a pas que Golgoth, mais en fait, il y a une sorte de réincarnation. Je parlais du vif, qui est l'âme des gens, et en fait, dans certaines conditions, elle peut se réfugier dans le corps d'un autre, d'un vivant. Et elle sera présente en lui. Alors c'est sympa comme idée, hein, c'est un peu la réincarnation bouddhiste, c'est un peu l'énergie vitale d'autres croyances, enfin bon, c'est... Alors c'est pas chrétien, hein. On partage pas une âme chez les chrétiens. Mais bon, c'est un peu pagan, c'est un peu païen, mais c'est intéressant, hein. C'est vraiment pas mal. Et Golgoth avait son frère en lui depuis le début, et ils meurent tous les deux ensemble. Et ils se dédoublent, c'est-à-dire qu'ils revivent un élément de leur passé. Et Golgoth marche dans le vide, et il épuise son vif à créer un sol sous ses pieds, mais qui le consume de l'intérieur. Donc il se suicide en marchant dans le vide, en créant avec l'énergie, son énergie vitale, son vif, du sol juste sous ses pieds, sous ses pas. Quelque chose d'un peu fou. Bon, c'est un livre de science-fiction. Et donc voilà comment ça avance. Donc lui, bah, il finit par tomber, hein. Voilà. Sauf, bon, il y a beaucoup d'histoires d'amour, hein, de relations. Assez fine. Il parle bien des hommes et des femmes, je trouve. Franchement, c'est pas mal. Alors, c'est pas des histoires d'amour centrales, mais il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est un peu triste parce qu'il n'y a pas vraiment de vraie histoire d'amour. Il n'y a aucune vraie histoire d'amour réciproque. Il y a des hommes admiratifs de femmes. C'est plus dans ce sens-là, d'ailleurs. Il y a aussi un peu dans l'autre sens, mais beaucoup moins. c'est plutôt des hommes qui aiment les femmes sans retour, quoi. Ce qui me paraît assez logique. Alors, quelques passages quand même. Donc, quand même, moi je termine l'histoire. Donc, Sov se retrouve tout seul. Il aimait une femme. Il a eu un enfant avec. Son enfant, elle l'a eu de Sov et de Caracol. Elle a eu deux pères. Je vous dis ça, c'est incompréhensible. Mais Caracol, en fait, c'était pas vraiment un homme. C'était du vent. Un vent. C'était pas le voilà. Alors, le bébé, il est à moitié homme, moitié vent. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Enfin, c'est plus du vent, quand même. Enfin, bref, il pompe l'énergie de sa mère une fois qu'il naît, donc elle meurt. Et il se retrouve tout seul avec une espèce de petit monstre vent, là, mais affectueux, mais bon, enfin, bref. Et puis, Sov affronte sa neuvième forme à lui, sa neuvième forme du vent, c'est la solitude, qu'il redoutait par-dessus tout. Mais il a intégré beaucoup de vifs en lui, dont celui de sa Orochi, c'est la femme qu'il aimait. Et donc, il est à deux doigts du suicide, c'est assez intéressant de... Bon. D'ailleurs, il y a une partie sombre dans le roman qui est explicitée par l'auteur à la fin, en disant qu'en fait, il a quand même beaucoup souffert. Il y a une histoire d'amour très douloureuse. Et ça a son empreinte dans le livre. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on sent bien la part de vrai, quoi. Donc, Sov se retrouve tout seul, à deux doigts de se suicider. Puis finalement, il était face à la falaise et il s'est dit « Bon, je vais longer la falaise jusqu'au nord ». Jusqu'à ce que je puisse plus avancer. Jusqu'au pôle, en fait. Jusqu'à la barrière de glace de l'extrême nord. On dit pas le pôle. Et à dessein, on le dit pas. Parce que c'est une planète linéaire. Hein. C'est un rectangle, quoi, l'espace. Et donc, effectivement, il monte jusqu'à barrière de glace, quoi. Et c'est infranchissable. C'est clairement infranchissable. Donc, il s'arrête. Il dit, bon, ok. Maintenant, je vais revenir à où j'étais, au milieu. Puis, je vais aller au sud, ensuite. Et sauf qu'une fois revenu là, qu'est-ce qu'il voit émergeant de la falaise, des espèces de fleurs géantes en parachute, en forme de parachute. Il fait attention, il se prépare et hop, il prend un mousqueton et il s'accroche au fil de la plante qui part dans les nuages en bas à l'infini là. Bon. Et il a envie de prendre le risque, donc il part. Très vite, la plante, c'est pas une plante, c'est un câble métallique. Et il se retrouve à glisser le long d'un câble métallique, mais dans des conditions épouvantables, avec un vent monstrueux qui parfois est tellement puissant, c'est un vent thermique ascendant qui le repousse vers le haut, puis parfois il descend à des vitesses vertigineuses, donc voilà, c'est terrible. Alors il se retrouve à descendre de plus en plus vite, et malmené par le vent, hein, il s'écrase, il a un casque et tout, mais enfin il est à deux doigts de mourir, quoi, et puis... Il descend de plus en plus vite et il descend pendant plusieurs heures comme ça, donc c'est à peine imaginable. Et d'ailleurs son rejeton en forme de vent là, il le suit, il le précède même, il le protège un peu. Et finalement il se réveille, il perd connaissance, mais il se réveille en bas et il est en sale état, mais il n'est pas mort et des hommes sont là. Et là ça fait vraiment bizarre, des hommes sont là. Et il se retrouve au trou du cul du monde, c'est-à-dire à la banlieue ouest d'Aberlas. C'est-à-dire qu'il a fait le tour de la Terre. Et ça, je trouve ça fantastique. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'étais tellement rentré dans cette histoire de monde fermé que je me suis pas posé la question. Hein. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose au bout. Hein, vraiment quelque chose. Mais pas rien, comme ça. Et effectivement, enfin, pas rien. C'est-à-dire pas un monde comme le nôtre, un monde rond. Et en fait, si. Et d'ailleurs, oui, alors c'est la réplique qu'on donne à Sov quand il émerge. T'es dans le trou du cul du monde, mon pote, au pire endroit que tu connaîtras jamais de ta petite vie d'oracle merde. T'es dans la zone de mort de la déferlante. En fait, c'est le vent qui arrive là. Alors Sov, il dit, où ça? Banlieue ouest d'Aberlas, extrême aval, falaise des confins. Ça te va pour le topo? Tu viens de naître ou quoi? Voilà, s'il savait qu'il parlait à quelqu'un qui est peut-être la première personne à avoir fait le tour du monde. Enfin, qui est la première personne, alors c'est assez fascinant, quoi. Bon. Voilà. Donc, un grand roman de science-fiction dans le genre, qui procure pas forcément un plaisir à chaque instant, mais qui est quand même assez fin. Il y a des passages vraiment fins. Alors, j'ai pris quelques passages quand même. Alors, 4, 5, 4, 6. La monotonie n'existe pas, elle n'est qu'un symptôme de la fatigue. Le divers, n'importe qui peut le rencontrer à chacun de ses pas, pour peu qu'il en ait la force et l'acuité. Ainsi parlait Erdogan. C'est ça que j'ai découvert. D'une certaine façon, l'effort physique, la tension des fibres face au vent rend possible cette force, même si elle reste essentiellement mentale, sentimentale. On dirait un lacanien. C'est assez amusant. Ce qui a changé en moi, l'Erdogan, c'est que je suis devenu actif lorsque rien ne vient plus te nourrir. C'est que je suis devenu actif lorsque rien ne vient plus te nourrir passivement, puisque chaque pas coûte, exige de toi, il faut lever la tête, ouvrir grande tes narines, capter chaque nuance de vert sur la prairie monochrome. Etc. etc. Bon, je sais pas si c'est bien ce passage-là, mais je pense que c'est celui-là que j'avais noté. Alors ensuite. 3, 2. Elle ne s'échappe pas. La vie, hein, c'est la vie. Elle ne s'échappe pas, rien ne s'échappe en fait. Tu possèdes à chaque instant la totalité de ton passé. Il s'accumule et se recompacte en permanence. Sinon, tu serais déjà fou. Ta vision de la mémoire est contaminée par le sens commun, troubadour. La mémoire n'est pas une faculté qui pourrait ou non s'exercer. Nous retenons tout, absolument tout. Ce qui fait la différence, c'est la capacité d'oubli. Voilà, oublier ce qu'on a retenu. Ce qu'on a su. Ou oublier consciemment. Enfin, moi je trouve ça très psychanalytique, là. Hein. Tout le monde retient tout, après certains s'en souviennent plus. Ils savent pas qu'ils savent, quoi. Un savoir qui ne se sait pas. Hein, c'est vraiment... la psychanalyse dit autrement. Parce que tu deviens humain aux fibres, parce que tu t'attaches aux êtres, parce que tu découvres progressivement le lien, et que le lien architecture est ralenti. Parce que tu es en train d'acquérir une mémoire derrière ta conscience pure, ton accueil absolu du présent. Ça crée une complexité en toi, des comparaisons inconscientes d'événements, des allers-retours infimes. Tu prends de la consistance sur ta dispersion naturelle, tu coagules, comme tu le dis toi-même. Et effectivement, en fait, je sais plus qui dit ça, mais c'est peut-être Sauve ou Orochi qui dit ça à Caracol. Caracol, justement, c'est l'homme vent qui est dans l'instant. Et il lui dit qu'en fait, il est en train de prendre consistance, parce qu'il est en train de prendre un passé, de coaguler. C'est vraiment beau, quoi. C'est quand même très fin, je trouve. C'est très très beau, ces passages-là. Donc c'est Sauve, là, qui parle des autres. J'avais longtemps cru que je tenais à eux, mais comment dire, aujourd'hui, ce n'était pas plus vraiment ça. C'est plutôt qu'ils tenaient en moi. Ils me peuplaient. Ils habitaient mon bivouac d'os et de nerfs. À chaque pas qu'ils faisaient, à chaque mot échangé, chaque petit geste discret, ils élargissaient ma flaque intérieure d'autant. Ils ont prolongé la surface tissée. Le simple fait de les imaginer pouvoir mourir avait redonné à leur présence une lueur. Après la mort de Sphézeste, je m'étais juré ça, de ne plus jamais oublier qu'ils pourraient ne plus être là demain. Les conséquences de ce petit serment furent prodigieuses pour l'acuité avec laquelle je recevais ce qu'ils étaient. Je découvris une nouvelle intensité, celle que la conscience effilée d'être accoudée chaque jour au parapet branlant de la mort donne. J'étais à nouveau émerveillable. C'est quand même... c'est beau, hein. Je trouve ça magnifique. Je sens que... Ouais, on sent que c'est quand même l'auteur et... Sa solitude pour écrire le bouquin, d'ailleurs il dit solitude et il remercie plein de gens, tous ceux qui ont finalement fait qu'il n'était pas seul. Quoi. Ah oui, alors là c'est un passage qui m'a fait marrer tellement il était d'une cruauté, comme quoi, Golgoth qui parle à une femme, et parce que qui est un peu faible, qui est en train de craquer. C'est la ptiote qui chiale, c'est ça? Ça a le feu au cul, mais ça s'est plus l'allumer sous la flotte, hein? Pour la labourer grande largeur, il y a du monde au portillon, hein. Elle se fait pas prier. Mais dans sa version cul-de-jatte, elle fait moins recette, on dirait. Ils sont où les laboureurs? La bande de bouche-trou? Faut assumer les bitards. Faut payer sa passe maintenant. C'est le moment ou jamais. Les silanfles, les talvegs, les fifis, les larcos. Vous attendez quoi pour la porter? Qu'elle vous taille une pipe? Là, c'est vraiment... Ouh! Ça m'a tellement halluciné, la violence, là, que je trouvais ça, quand même, je dois reconnaître, très amusant. Un petit passage, là, devant un maître, un érudit. Aer, bon, tout le vent, hein, aéro, érudit, c'est des jeux de mots. Hein. C'était la solitude rare de ces esprits que leur puissance d'enfantement préserve du tarissement et qui n'avaient besoin d'aucun autre cosmos que celui qu'ils déployaient à partir de leur pur cerveau, à force de recherche et d'invention, et dont ils repoussaient jour après jour par cette expansion têtue, la clôture toujours possible. Voilà. Oui, sur la différence entre les hommes et les femmes. J'ai trouvé ça marrant. Sauve avait besoin d'alimenter ce lien, le lien à tous les autres. Cette épaisseur tissée, par-delà leur mort charnelle, comme si ce peuplement intérieur d'amitié, de temps fort et de haut fait, il avait décidé une fois pour toutes d'en être la mémoire en acte. Il s'attachait chaque jour un peu plus à moi, c'est Orochi qui peint, et un peu plus à Coriolis, incapable de choisir réellement entre nous. Soit que ma retenue naturelle le frustra, soit que Coriolis l'attira plus qu'il ne le reconnaissait. Je ne forçais rien, tant de toutes les maturités d'un homme, celle qui touchait à ses sentiments était chez lui la moins déployée. Ouh ! À beaucoup d'égards, Sauve était resté l'enfant que j'avais croisé à Aberlas à 7 ans. Il ne concevait les rapports humains que dans la fusion. Le distinguo pour moi très clair entre l'amitié et l'amour, il n'en formait qu'une idée théorique, que ses actes et son corps ignoraient. Il était dans l'amour, comme disait de lui Caracol, un amour protéiforme et polyphonique, sans réaliser parfois qu'en croyant toujours donner, il était de fait en demande. Une demande inétanchable d'échange, de complicité et d'affection, qu'il usait et nous usait, consciente pour autant de l'importance que cette force, car c'était une force, aurait dans le futur pour la resurvie de toute la Horde. L'enjeu face à Sauve était d'attiser son intelligence pour faire mûrir l'enfant. Moi, je trouve extraordinaire ce passage. Vraiment là, la classe, quoi. La classe, parce que j'avoue que je me retrouve un peu et je pense qu'il touche à quelque chose d'assez fort, assez grandiose quand même, sur le plan psychologique. C'est l'heure où les têtes sont pleines de vent, le cœur ne bat plus que pour le pas qui suit, il est lavé de tout rêve, de tout amour, il n'en veut à personne, n'espère ni attend rien, il bat pour le sang, pour les muscles pour le pas qui suit, qui suivra, les jambes charries de la braise dans la pente, les 8 silhouettes ondoient la nuque courbée, le front posé contre le feu du vent, comme pour s'y appuyer, y trouver une assise ou un repos. Alors ça c'est quand même assez génial. On dirait presque un conte zen. Alors c'est Coriolis, c'est le vif de Coriolis qui parle, a priori. C'est pas rien, c'est de dire ça. Alors, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de majuscule. Bon, déjà, c'est pour ça que j'ai lu de façon un peu... Bon. Mais il y a une structure, par contre, c'est ça qui est un peu... Il le fait qu'à moitié, c'est-à-dire qu'il y a une syntaxe. Il n'a pas déstructuré la langue au point de casser la syntaxe. Alors c'est assez amusant, en fait, moi je trouve. Mais bon. Donc il n'a pas été aussi loin que Cohen dans La Belle du Seigneur. Il n'a pas osé. Mais ça s'enchaîne très bien. C'est beau. Mais enfin, c'est très court aussi. Hein. C'est 6 lignes seulement à ce niveau-là. Bon. Et puis je trouve qu'effectivement, c'est quand même. Je trouve une définition de la pensée dans l'instant. La pensée non. Comment dirais-je ? La pensée non réflexive, quoi, la pensée de l'instant, et je trouve ça bien, je trouve ça très beau. Pas pour le pas qui suit, bon, pas tout à fait l'instant, c'est l'instant suivant, enfin bon, je trouvais ça très beau du point de vue bouddhiste. Alors, une dernière citation, je crois, oui. Encore une métaphore bouddhiste selon moi avec le vif. J'aimerais leur dire qu'il est encore temps de se retourner et de fuir à toute volée vers l'aval, qu'il n'y a rien à voir plus haut, rien à vivre que cette rencontre avec l'ombre sauvage projetée de leur envers. Je les regarde, je sais que je ne pourrai pas les aider. Ça doit être au rocher qui parle. Pas plus qu'ils ne pourront m'aider, Chaque quête est si strictement intime, elle est souvent invisible à soi-même. Là, c'est de la psychanalyse, là. Chaque rencontre avec la neuvième sera, alors la neuvième forme du vent, sera, je le sais, unique, insoupçonnable dans son ampleur et dans sa difficulté. Je les regarde et j'ai peine à respirer. J'ai envie de les prendre dans mes bras, envie de les serrer contre moi. Qu'aucun d'eux ne soit seul au moment où ça viendra. Pourtant, je recule. En neuvième forme du vent, c'est un peu affronter la mort. Hein. Mentalement. Pourtant, je recule, je me mets à distance. J'anticipe trop bien que je ne pourrai rien. Ce que je peux seulement à mon minuscule niveau, c'est aménager les conditions les plus propices à la survie de vos vifs. Ce que je peux, c'est apprendre à sauver enfin ce que je sais. Ça, c'est très dans la pensée bouddhiste, c'est-à-dire au moment de la mort, c'est le moment difficile, c'est la neuvième forme, et c'est les soutenir un tout petit peu, aménager les conditions les plus propices, c'est-à-dire être accompagné à ce moment-là pour ne pas paniquer devant la mort, pour avoir une chance de maîtriser un tout petit peu sa réincarnation. Non, c'est assez génial. Voilà, bon, ben, je vais pas en dire beaucoup plus, hein, c'est un beau grand roman de science-fiction, dans le genre. Assez unique, hein, dans le genre. Une ambition littéraire, qui est, je dirais, aux trois quarts vraie, enfin, je dirais, pour un livre de science-fiction, c'est très littéraire. On n'est pas non plus au niveau des grands de la littérature. Mais il y a des bouffées de sublimes. Sont quand même, puis ce néologisme, ça, sa finesse d'esprit, on la sent. Donc j'ai calculé, à raison d'à peu près un mois de vacances par an, s'il a écrit ça en 3 ans, ça revient à une demi-page par jour. Marrant, hein ? Une demi-page par jour. Alors, tous les jours, hein. Sauf 4 semaines dans l'année, à peu près, hein, à la louche, c'est ça. Ça donne le rythme d'écriture. Ouais, pas évident d'écrire. Et puis, il faut mettre en place, hein, au début, tout un plan pareil. Bon, enfin, voilà. Donc, un beau livre. Merci Michel de me l'avoir prêté. Merci Céline d'y avoir pensé.